بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس 45 بعد المئة 55 لسون قال المؤلف في حفظه الله تعالى في سؤال 97 ومئتين وألف 1297 كيستيون ما حكم سب الحمى كان est-il d'insulter la fièvre parce que quelqu'un est touché de la fièvre quand il est malade qu'en est-il d'insulter cette fièvre. Et cela également est également valable pour toute forme de maladie. Donc il dit cela n'est pas permis, parce que la fièvre fait partie justement des péchés. C'est une chose qui aide à enlever les péchés. Comme dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, « Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « La tasubu l'humma, fa innaha tuzhibu khataya bani Adam, kama yuzhibu al-kayr khabas al-hadid. » Il dit justement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'insultait pas la fièvre, car elle fait partir les péchés du fils de Adam. D'accord ? Tout comme le fait de souffler dans le fait de chauffer le fer à blanc, lui fait partir toutes les mauvaises, les choses impures qui sont dessus, les choses qui sont mauvaises sur le fer. Rapporté par Muslim. Et ça c'est valable pour tout mal qui pourrait nous toucher, mathalan, cela enlève les péchés du Muslim, si jamais il fait l'irtisab. Et qu'il patiente. D'accord, demain tu marches sur un bout de verre, tu te fais mal, tu te cognes la tête, il t'arrive des soucis, tu es triste. Si jamais tu fais preuve de patience, tout cela t'enlève des péchés. Mais ce sont que des petits péchés, car les grands péchés méritent eux une tawba. C'est ma qu'à la fissou, elle est 5099 ou à miyaten ou alf. 1298e question. Kefa nubarid el humma. Maintenant, comment est-ce qu'on fait descendre la fièvre? On le fait avec de l'eau. Car justement, cette humma, cette fièvre, fait partie justement, est une chose qui fait partie du feu de l'enfer. Comme dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala al-humma min fayh jahannam fa abriduha bil ma' muttafaqun alayhi. Que la fièvre est une partie du feu de l'enfer, justement, donc refroidissez-la avec de l'eau. Ce qui prouve que le feu existe déjà. C'est également parmi les preuves qui montrent que l'enfer existe déjà, a déjà été créé. Contrairement à ce que les gens veulent dire. Et vous constaterez que c'est une chose qui est connue même chez les mécréants, qu'ils prennent un gant mouillé par exemple, ou un tissu mouillé, et qu'ils le mettent sur le front de celui qui est atteint de fièvre. C'est une chose qui est connue. Et bien la sunna nous le confirme. La sunna nous le confirme. Thumma qala fi sawal at-tasi'a wa tis'in wa miyatin wa alf, 1299e question. Hal yajuzu al-julus bin al-dhil wa shams? Est-il permis de s'asseoir entre l'ombre et le soleil? Dans un lieu, il y a une partie ombragée et une partie ensoleillée. Toi, tu t'assois entre les deux. Une partie de ton corps est dans la partie ensoleillée et une partie de ton corps est dans la partie ombragée. Cela n'est pas permis. Quand dans le hadith de Bouraïda, « Anna nabi sallallahu alayhi wa sallam naha annak'uda bayna dhil wa shams » que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'asseoir entre l'ombre et le soleil. Rawi ibn Majah. Et dans une version, c'est rapporté que, hormis sous un arbre, des fois tu as des arbres, ils ont beaucoup de feuilles. Il y a des parties ensoleillées qui traversent, comme vous pouvez le voir. Et là, à ce moment-là, c'est permis. Et parmi les illa, les causes qui ont été données de cette interdiction, c'est que c'est un lieu où les shayatines, les djinns, ils aiment se mettre. C'est un lieu où ils aiment se mettre. Allah ta'ala a'lam. Thumma qala fi su'al al-wahid wa 300 wa 1000, 1301e question. Man wa rubaydiya. Maintenant, ce qu'on appelle un Rouaibida, c'est quoi? C'est, on va dire, le sot, la personne qui est faible d'esprit, l'irréfléchi, qui parle dans les choses qui touchent à la communauté de façon générale. Comme de la hadith de Abu Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sayati al-nas sanawatun khadda'at. Il viendra un temps, d'accord, qui sera trompeur pour les gens. Yusaddaq fihi. On y croira le menteur. Le menteur, on lui fera confiance. Et on démentira le véridique. On fera confiance au traître. Et on doutera de l'honnêteté de celui qui est de confiance, le contraire. Et de là se mettra à parler le Rouaibida. Donc là, il dit. Ils interrogent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le Rouaibida? Il a dit Ar-Rajul Tafi. Tafihu الرجل التافه في أمر العامة. Dans une rivière, As-Safi est Takalem fi Amr al-Aam. C'est, on va dire, le sot, le faible d'esprit qui part dans les choses générales. Donc maintenant, vous allez voir ça en cette époque, des gens qui sont là, par exemple, qui se rattachent à la science, mathalan, à l'islam, à la progression de l'islam, ils parlent de n'importe quoi et de tout. Ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout, et dès qu'il y a un sujet d'actualité, il faut qu'ils en parlent. Il s'est passé telle chose à tel endroit, on en parle. Il s'est passé tel événement à tel endroit, on en parle, on donne son avis, ainsi de suite. Des gens qui ne sont pas des savants, même pas des, peut-être même pas des étudiants en sciences, et qui parlent de tout, commentent tout, tout ce qui se passe. Ça, ce sont des rouibida. Ou ce qui se passe à la télévision, dans telle émission, ils ont dit ça et ça, après il faut leur commentaire. Comme s'ils pensaient que leur parole elle avait un poids quelconque par rapport à la communauté, et bien évidemment, des ignorants les écoutent et prennent la parole en considération. Ça, c'est un rouibida. Quand vous voyez des affaires qui touchent aux choses générales et que vous voyez que les savants n'en parlent pas, soit ce sont des choses qui sont peu importantes, ils ne sont pas au courant, ce sont des choses, ils voient qu'il y a une maslaha à ne pas en parler. Et tu as des gens qui disent, non, les savants ne parlent pas, il faut en parler, c'est important. S'ils ne parlent pas et qu'ils savent, et que tu vois qu'ils ne parlent pas, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ils ne parlent pas. Ils ont une sagesse que toi, tu n'as pas peut-être encore atteint. Ah ben. Donc attention, ne pas croire que celui qui parle dans tout connaît tout. Non, justement, celui qui parle dans tout et ne connaissent rien. Et ça, c'est ce qui est le plus fréquent, et cela, ce qu'on appelle Roué Biza. Soumakala fi souel Essani, wa salasomia, bad elf. Maïa Essaratu lati yustajabu fiya ad-dua yom al-jumu'a. Maintenant, quelle est cette heure lors de laquelle les invocations sont exaucées le jour du Jumu'a, du vendredi? Quel est ce moment? Il dit l'avis le plus prépondérant d'après les paroles des salafs, ou plutôt parmi les hadiles qui lui voient, c'est la dernière heure qui est après le Asr, c'est-à-dire la dernière heure qui a lieu avant le Maghreb. Et savoir qu'une heure en arabe ne veut pas forcément dire 60 minutes, ça peut vouloir dire un instant, un moment particulier. Il faut bien comprendre cela. Car à l'époque, le Nabi Sallam n'avait pas de montre, il ne connaissait pas les heures comme on les connaît aujourd'hui. Donc quand il disait Sahara, ça voulait dire un temps particulier. Et le dalil, c'est le hadith de Jabir ibn Abdillah, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة لا يجاد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا تاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. Il dit le jour du vendredi c'est 12 heures. D'accord? Et qu'il n'y a pas dedans un moment où le musulman demande quelque chose à son Seigneur sans qu'il ne lui accorde. Donc recherchez-le dans la dernière heure après le Asr. Dans le dernier moment après le Asr. Rawahu al-Nasa'i. Et c'est un call qui a été confirmé par Abdullah ibn Salam, celui qui était un juif auparavant, savant juif, et qui s'est soumis à Allah Azza wa Jal. Il a dit que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Et quelqu'un lui dit, mais cette heure-là, c'est une heure où la salat est interdite. Comme vous le savez, après le Asr jusqu'au Maghreb, c'est salat où la salat où il n'est pas permis de faire la salat. Et il a dit, Montaziru as-salat fi salat, que celui qui attend la salat est dans salat. C'est ça que cela veut dire. Ça ne veut pas dire que tu te lèves et tu fais la salat. Car il y a une version qui dit, Qaimu yusalli, qui dit qu'il est debout, et en apparent, on dirait qu'il dit yusalli. Et Cheikh Al-Bani l'expliquait, yusalli, ça veut dire il invoque en fait. Il invoque. Car la base à salat, au point de vue littéraire, linguistique, ça veut dire l'invocation. Comme on l'a expliqué dans notre douloureux. Ça veut dire invoquer. Ça ne veut pas forcément dire faire la salat comme on la connaît. Ça, c'est la salat a un sens légiféré et un sens linguistique. Le sens linguistique de la salat en arabe, c'est l'invocation. Donc, c'est la vie le plus sûre. C'est que cela est la dernière heure qui est le vendredi avant le Maghreb. Thumma qal ma wa. El hasad, ce qu'on appelle la jalousie. D'accord, la jalousie. Qal fi souel thalith wa thalathmiya wa alf. 1303e question. Il y a tamani zawal ni'ama an al-ghayr. C'est le fait de souhaiter que les autres perdent leurs bienfaits. Comme قال تعالى, wadda kathirun min ahli kitab law yuraddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Qu'il a dit que beaucoup de gens du livre aimeraient vous renvoyez c'est-à-dire vers la mécréance, vous vous rendez mécréant comme vous l'étiez auparavant, par jalousie, même en eux. Dans Sourate al-Baqarah, verset 109, ça veut dire qu'ils vous voient sur l'islam, et cela, ça les insupporte. Ils veulent vous redevenir mécréant comme eux. Donc là, c'est cette jalousie-là. Car la jalousie en français, elle a un sens plus large. Par exemple, un homme qui est jaloux par rapport à sa femme, qu'un homme lui parle, on dit qu'il est jaloux également. Mais ça, en arabe, ça s'appelle ghayra. Ruyur, c'est quelqu'un qui est ruyur. Jalousie, c'est-à-dire une jalousie qui est légiférée. Et d'ailleurs, le ghayra, cette ghayra, parmi les sifats d'Allah Azzawajal. Inna Allah yaghar, ghayratullah an yati'abduhu ma harama rabu alayhi. Qu'il a dit que le Nabi Sassam, que Allah est jaloux. Sa jalousie, c'est que son serviteur enfreigne ce qui lui est interdit. Et le Nabi Sallam était jaloux également. Mais là, ce n'est pas la même jalousie. En arabe, hasad, ce n'est pas ghayra. Et hasad, c'est ce qu'on vient de dire. C'est le fait que tu souhaites que quelqu'un d'autre perde le bien qu'il a, parce que tu n'aimes pas qu'il est seul avec lui. C'est une maladie qui est très dangereuse. Et comme il était dit, que le jaloux, ça fait plus de mal à lui-même que à celui qui est envié. Car le jaloux, lui, c'est lui, il n'est pas bien dans son cœur. Il est dans un état, ça l'irrite. Ça l'angoisse. Il voit quelqu'un qu'il n'aime pas avoir une chose qu'il ne veut pas qu'il ait. Alors que celui qui est jalousé, lui, alhamdoulilah, il est un ni'ma. Donc il faut faire beaucoup d'invocations, car beaucoup de gens, la jalousie, on l'a tous en nous. Seulement, il faut la combattre. Et la jalousie, c'est parmi les sifat de Iblis qui n'a pas voulu se prosterner devant Adam, qu'elle était jaloux. Quand même, il était jaloux de lui. Et également, ce qu'on appelle l'envie, le fait d'envier quelqu'un pour une chose qu'il a, ne veut pas dire souhaiter qu'il ne l'ait plus. Ça ne rentre pas dans le hasad. Par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, Allah lui a donné beaucoup de bienfaits. Et tu dis, j'aimerais avoir comme lui. Tu ne rentres pas dans cette jalousie-là dont on parle. Là, ça s'appelle de l'envie en français. En arabe aussi, il y a un terme, mais je l'ai oublié, comme on dit. Donc là, tu ne rentres pas dans la chose qui est interdite, car tu ne souhaites pas que la personne perde cette chose-là. Toi, tu voudrais juste toi aussi la voir. Même la voir également. Donc cela n'est pas blâmable tant que cette chose que cette personne la possède, elle est halal, bien évidemment. Maintenant, quelqu'un il a une chose qui est mauvaise, haram, et tu voudrais avoir la même chose que lui, ça, ce n'est pas permis. Après, il y a Koul, fi souhait l'arabie, wa salasumia, bad elf, 1304e question. Ma hukm al-hasad. Quel est le jugement de, justement, cette jalousie? Qala haram, elle est interdite, comme dans le hadith d'Abu Huraira. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tahasadu, wa la tabagadu, wa la tajassasu, wa la tahassasu, wa la tanajashu, kunu ibadallah ikhwana. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne vous jalousez pas les uns les autres, ne vous détestez pas, ne vous espionnez pas, ne vous épiez pas, et ne faites pas la vente de tanajus, ou tajashus, afwan. De tanajus, c'est une forme de vente qui comporte de l'escroquerie. Et soyez des frères, des serviteurs d'Allah, en étant en toute fraternité. En toute fraternité. Non. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc bien différencier entre ces termes-là par rapport à la jalousie. Ce n'est pas ce qu'on appelle en français toute jalousie qui est forcément mauvaise. Mais il faut voir ce qui est voulu par là et après voir l'équivalent en arabe.